Bastenda, salope, te bois, chocat et l'autocar. Midi, départ, Paris, Neymar, Nasser, Qatar, voiture très rare. Benda, j'démarre, esprit, lemon, cheesy, DZ, flexi, cheesy. Rallye, pressing, musique, streaming, bouteille, parking. J'suis une moula, t'es une moula, j'suis en esprit, t'es en esprit. Je t'aime, oh, affranchi contre le game. Embrouille XL, terrain, ficelle, ouais. Rapta, Saint-Ouen, je vois des pixels. Hey, nous c'est les grands du quartier. Ouais, nous c'est les grands de la thèse. Problème, Balek, Brésil, Sadek, Benef, Chenef, Philippe, Patek. J'suis une moula, t'es une moula, j'suis en esprit, t'es en esprit. J'suis une moula, t'es une moula, j'suis en esprit, t'es en esprit. Se près la casserole est magique, tartin génial, police spécial, safran, mégane, stomy, vegan, régal, siroc, belvé, grégousse, VG, repu, séché, dolce, versace, c'est léger. Gaufrette, pétage, fichier, garde à dépôt, bien équipé. J'suis une moula, t'es une moula,